求をしてください。 Don't slip. Participation à une nouvelle culture radiophonique. Le nouvel art radiophonique sera fondé premièrement sur le parasite. Space cannot hear you, for the whispering of the night has opened our inner hearts. Behind the curtain of the sun. Bonsoir à tous, le Beau Bizarre épisode 3, ce soir une émission un peu particulière puisqu'elle sera thématique consacrée aux veuves noires. La première d'entre elles, eh bien, il s'agit de Diana Rogertson sur son pseudo Bad Diana. Alors Diana Rogertson, c'est la muse de Stephen Stapleton, le maître de cérémonie de Northwest Moon notamment. Et ce morceau qu'on vient d'entendre, en fait, il est mixé par le très grand producteur Colin Potter, qu'on va retrouver, je pense, à d'autres occasions durant la saison 2011. On va enchaîner, Fabrice, avec... Sœur Marie Kerroutz. Donc, a priori, pas grand-chose à voir, si ce n'est que, en fait, si, puisqu'on reste dans un espace spirituel très marqué. Alors, très marqué parce que, de fait, Sœur Marie Kerroutz, elle mène un travail d'archéologie musicale qui consiste à essayer de retrouver des traces écrites de musique byzantine ou en tout cas des débuts de l'ère chrétien ou de cette période-là. Mais cette démarche archéologique n'a qu'un intérêt secondaire par rapport à son interprétation qui est vraiment, pour faire un mauvais jeu de mots, divine. Oh. Après, Sœur Marie Kérouz, nous allons rester dans une veine religieuse avec Carla Bozulich, cette ancienne chanteuse du groupe Géraldine Fibbers, qui poursuit maintenant une carrière sur le label canadien Constellation. Il s'agit du morceau de son premier album Evangelista, une sorte de prédicateur au féminin, pour un morceau vraiment très, très sombre, tout en craquement et en tension. Thank you. want you to get up. I want you to feel the inside of your heart blood. Feel the inside shaking and trembling. Oh, got your heart cupped in shaking hands. Down, don't break me. I'll hate you, the hands and the sounds inside. I'll hate you, the hands that shake with fire and mercy. Swing to me with your heart shot through with lies. Swing to me, shut your salty eyes. To me, walking miles with a rock in your shoe. Swing to me, you and you and you. Thank you. behind my window screen. Eve is dancing down the scene. In a cruise ship parody, dancing down the sea. He is calling and throwing his arms up in the air, and no one is there. All of them are missing comes to a start. No one is there. Some are calling, some are sad, some are calling mad. No one is there. Behind your window screen, Eve is dancing down the scene. In a cruise ship parody, Eve is dancing down the scene. Missing as the game comes to a start. No one is there, and no sound has them. Enchaîné avec Nico et son fameux No One Is There sur l'album Marble Index, produit par John Cale, qui joue dessus du violon. On va ensuite enchaîner avec une autre égérie des années 60, peut-être dans un genre moins sombre en tout cas que Nico, parce que effectivement le groupe avec lequel elle s'est coquinée était peut-être moins, on va dire, underground que le Velvet. Il s'agit de Rolling Stone, donc vous avez bien compris qu'on allait maintenant évoquer Marianne Faithfull, Fabrice. Oui, tout à fait, mais qui, là, on va l'entendre sans les Rolling Stones. Certes. Mais elle reprend en fait le répertoire de Kurt Weill sur un album de blues. Qui n'apparaît bizarrement pas véritablement sur sa discographie officielle, pour des raisons que je ne suis pas arrivé à m'expliquer et que je n'arriverai pas à vous expliquer à vous, auditeurs. Ça restera un mystère. Mais bon, si vous avez des informations à ce sujet, vous pouvez toujours me contacter. Et donc on est dans un répertoire de cabaret, où Marianne Faithfull fait des merveilles avec sa voix rock. Avec sa voix rayée. Avec sa voix rayée en citron. Oh, the poor shark Yes, the sweet shark. It has big teeth buried deep. Then there's MacHeath with his big knife, but it's hidden in his sleep. And this same shark, this poor sweet shark, it sheds red blood when it bleeds. Mackie Big Knife wears a white glove, pure in word and pure in deed. Sunday morning, lovely blue sky, there's a corpse stretched on the strand. Who's your man crows in the corner? Well, it's Mackie, knife in hand. Jenny Towler, poor wee Jenny, there they found her, knife in breast. Mackie's wandering on the west pier, hoping only for the best. Mind that fire burnt all through Soho, 7 kids dead, 1 old flower. Hey there, Mackie, how's she cutting? Have another, hold your hour. Story goes there, black and blue, for the price of 1 good screwing. Mackie, how could you? For the price of 1 good screwing. Mackie, how could you? Nous restons en Angleterre, mais au début des années 80, avec Annie Anxiety Bandez, pour un titre tiré de son tout premier 45 tours, sorti sur le label Crass. Annie Anxiety, qui aura commencé sur un terrain plutôt expérimental, aussi sur le label d'Adrian Sherwood, On New Sound, et dont la carrière va s'orienter vers un univers plus proche du cabaret, justement, ce qui faisait le lien avec Marianne Faithfull, qui Annie Anxiety aura aussi repris des thèmes chers à Kurt Vile. On la retrouve sur des disques de Anthony and the Johnson notamment, aussi sur des disques de Current 93. Et puis nous enchaînerons, Cédric, je crois, avec un groupe français qui aura collaboré avec une américaine. Oui, et il s'agit, donné. Étant donné, des frères français, Hurtado. Des frères Hurtado qui sont originaires de Grenoble, je crois, mais qui sont basés, ou en tout cas étaient basés il n'y a pas si longtemps, à Montpellier. Alors les frères Hurtado ne se contentent pas de faire de la musique, hein. Ce sont aussi des plasticiens, des vidéastes, et ils ont travaillé avec de nombreux musiciens. Alors sur l'album Riop, dont est tiré effectivement un sexodrome avec Lydia Lunch, on trouve aussi Alan Vega sur de nombreux morceaux. Ils ont travaillé, je crois, aussi la même année, ou en tout cas assez près de cet album, avec le chanteur-compositeur de Swans, hein, Michael Girard. Donc des gens très actifs, d'une musique assez indus, mais aussi très dense. et avec là aussi donc une voix très particulière, celle de Luke Gallonge, qui est assez proche finalement de Daniel Anxiety, je trouve, dans le côté sexuel. Voilà. Oui, une voix très sexuée, absolument. No problem. Then. That's me. At last. Oh, purple fuses cascades. Like waterfalls, emeralds, glinting sun, like a diamond, like a diamond, like a diamond. But it's in the center of my skull. Thank you. hopeless threat. I can smell you from here. I can smell your desire. The tyranny of bloodlust laps at your poisoned loins. Like a leper with a tongue of fire, I can smell you from here. You're made weak with desire. Expert of perversions and criminal urges, your daydreams remain stained with the blood of innocence. I can smell you from here. You're made sick with desire. I can smell you from here. Make me weak with desire. Solitary and condemned to a night that never ends. Inside the viper's den, your sex an endless threat. I can smell you from here. I can smell your desire. I can smell you from here. Make me weak with desire. The tyranny of bloodlust laps at your poisoned loins. Like a leper with a tongue of fire, I can smell you from here. You're made weak with desire. I can smell you from here. Make me weak with desire. Expert of perversions and criminal urges, your daydreams remain stained with the blood of saints. I can smell you from here. You're made sick with desire. I can smell you from here. Make me sick with desire. Thank you. γιατί όλα το μόνο τι έτσι μου. Γιατί όλα το μόνο τι έτσι ήταν ο τόπος. Θα τα φάτε τόσο με ιότι. Γιατί το άνιο του το χάνομο το άνος. Το χάνομο το άνθρο το δωλειό ή εσύ μας μαυρίζει. Όταν τόσο τόσο τόσο σπάσε. Το άνθρο μας μαυρίζει. Retour au beau bizarre après cette séquence cauchemardesque. J'espère que vous n'êtes pas trop traumatisé après ce titre. Je suis l'antéchrist de Tiamanda Galias qui nous fait un véritable festival des horreurs. Mmh. Avec tout le talent qu'on lui connaît, aussi bien vocalement que pianistiquement. Et c'est sur ce titre que nous allons vous quitter en vous souhaitant de beaux cauchemars empoisonnés et bizarres et empoisonnés à base de veuves noires. À très bientôt. Tu m'entends? In my lonely, light my face, where are you, baby? Where are you, baby? Dark dream. Bien sûr, les auditeurs n'existent pas. C'est une illusion collective, comme Dieu quand il était à la mode. I'm a toilet with no seat. Flushing tradition down. I'm an army on holiday in a guillotine museum. I'm a sentimental song. Glorie, Alexandre, je joue pas la comédie, mais qu'est-ce que vous croyez? Cet ouvrage est le filet de sécurité de la veuve noire, mais il sert également d'instrument pour la parade nuptiale. En s'approchant, le minuscule mâle pince les fils comme les cordes d'une guitare. Et il vaut mieux pour lui qu'il joue juste, faute de quoi la femelle, bien plus grosse que lui, risque de le prendre pour une proie. Les veuves noires tuent leur mâle. Pendant l'accouplement, le mâle se retourne et expose son abdomen au crochet venimeux. Pourquoi ? Pour accroître la durée de l'accouplement et être sûr de transmettre ses gènes. Après cette épreuve, il se fait dévorer, nourrissant la femelle et sa future descendance.